Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net. Après avoir fait notre Noël autour du monde, la deuxième partie de cette émission va être largement plus festive encore et joyeuse. On vous demande de pousser les tables, de pousser les chaises. Vous avez bien mangé, vous êtes en pleine digestion, donc allez-y, c'est le moment de danser. On est parti pour une Christmas party avec plein de titres des années 60, 70, 80, 90 et 2000. On aura par exemple Brenda Lee, on aura par exemple Shirley Clamp, on aura Ed Sheeran, on aura les Roulettes, on aura Bill Haley, on aura les Willows, Boney M, etc., etc. Bref, un programme d'une heure pour danser et pour se remettre de ces repas de Noël qui sont toujours trop lourds. Voilà, bonne sieste pour ceux qui écoutent que la radio et bonne danse pour ceux qui vont pousser les tables et danser avec nous. C'est parti, la Christmas Party 2022 spécial Fadjet. Joyeux Noël à tous! Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin.

Radio Fadjet. So hop aboard your turntable.

joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Christmas time, it's hard Oh, oh, oh, oh. Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. Joyeux Noël. I'm ho, ho. Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. New old-fashioned way. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Salutations. my dear. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy, happy once again. Yeah. Voilà, après ces rock endiablés, il est temps pour nous de terminer ce Noël ensemble qui a démarré hier soir à 22h avec notre veillée de Noël qui s'est poursuivie aujourd'hui depuis 14h avec le Noël autour du monde et puis cette Christmas party. J'espère à toutes et tous que vous avez apprécié ces émissions. Je tiens à remercier particulièrement Yves à la technique et tous les membres qui ont participé à lire les chroniques que vous nous avez envoyées ces dernières semaines pour ces émissions. À toutes et à tous, on vous souhaite encore un très très joyeux Noël et à très bientôt sur l'antenne de Fadjet. Joyeux Noël à tous, à bientôt.